Chapitre 4. Le lendemain, il pleuvait. « Quel horrible temps pour la fin de juin !» dit Florence avec indignation. Le capitaine, qui ne semble pas le moins du monde scandalisé du mauvais temps, passe sa matinée avec les deux sœurs, choisissant tous les passages intéressants du Times pour les leur lire tout haut. Tandis que Barbara travaille d'une main nerveuse à un ouvrage de broderie, Florence ne fait œuvre de ses 10 doigts. De temps à autre, elle se lève et bondit dans l'appartement, comme un jeune cheval qui s'impatiente à l'écurie. Après avoir suffisamment commenté le Times et parlé de l'Inde, puis de l'Angleterre, du passé, du présent, de l'avenir, les deux jeunes filles commencèrent à raconter leur propre histoire. Elles disent au capitaine qu'elles habitaient leur petit cottage depuis longtemps déjà, qu'elles avaient découvert ce logis par hasard, qu'alors le jardin était à l'état inculte, et que la maison avait besoin d'un nettoyage autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. « J'ai badigeonné moi-même les plafonds, » dit Florence, « ce qui n'est pas, croyez-moi, une besogne agréable. J'avais bien un madras noué sur la tête, mais la poussière ne m'en tombait pas moins toujours dans les yeux. Je suppose que vous êtes fixé à Camberwell depuis que vous avez perdu votre père ?» demanda le capitaine quand on eut épuisé le sujet du badigeon. « Perdu notre père ?» s'écria Florence. « Mais il est encore de ce monde. « Vraiment ?» dit George Leland d'un ton stupéfait. Vivre 6 mois sous le toit d'une personne qui paraît des plus respectables, croire qu'elle est veuve et ses enfants orphelins, puis apprendre tout à coup le contraire, c'était bien fait pour exciter l'étonnement des gens même les plus sobres de démonstration. « Je croyais votre mère veuve ?» balbutia-t-il. « Ma mère est d'une réserve exagérée sur ce point, » dit Florence. « Pour ma part, je préfère la franchise absolue. Elle a un mari. » Nous avons un père, mais je dois dire qu'il est loin de réaliser la perfection de l'un ou de l'autre rôle. Le sujet était grave. Le capitaine ne put cependant s'empêcher de sourire. C'est que Florence lui faisait face, tordait entre ses doigts sa chaîne d'or avec une expression de physionomie qui n'était rien moins que sérieuse. Nous pourrions, au demeurant, dire que nous n'avons plus de père, car il n'a jamais rempli vis-à-vis de nous les devoirs d'un père, ajouta Barbara. Ne soyez pas si sévère. « Tenez, je vais vous citer de lui un trait de caractère. Je me rappelle parfaitement que le jour, c'était un dimanche, où j'ai mis pour la première fois un tablier avec des poches, il m'a généreusement donné 6 pence. Il aurait mieux fait de payer ses dettes et de nous assurer un toit que de manger sa fortune, » dit amèrement Barbara. « Quelle espèce d'homme est donc votre père ? Je vais vous le définir en 5 mots, comme on me l'a souvent décrit. Il n'est l'ennemi de personne excepté de lui-même. Ah ! Dit le capitaine avec l'air d'un homme qui trouve la situation embarrassante. « C'est une bonne patte, comme on dit vulgairement, » reprit Florence. « Et quand parfois il s'emporte, ses colères ne durent pas. Il me trouve insupportable, intraitable, impossible, et un jour il m'a menacé de me jeter par la fenêtre. Vous le voyez donc quelquefois ? Oui, nous sommes en relation de visite. Maman va rarement le voir, car lorsqu'elle l'a quitté, il a prétendu avoir le cœur si malade qu'elle se ferait un scrupule de rouvrir ses blessures. Mais ma sœur et moi, nous le favorisons de temps à autre d'une visite. Il a un cabinet d'affaires. Il ne réussit que médiocrement, je crois, car depuis que je vais chez lui, je ne vois jamais que les mêmes noms sur les cartons du casier. « Que vos visites doivent le rendre heureux, » dit le capitaine avec conviction. « Croyez-vous ? » reprit Florence d'un ton interrogatif. « Il me semble au contraire que l'impression est loin d'être toujours agréable. » puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, il m'a menacé une fois de me jeter par la fenêtre. « Vous a-t-il fait les mêmes menaces ?» dit George Leland en s'adressant à Barbara, qui n'a pas levé les yeux de sur sa broderie. « Non, » dit Florence, « par la raison toute simple que Barbara ne demande jamais rien. Vous lui demandiez donc quelque chose ? Oui, je vais vous raconter une de nos visites. » Le tableau représente un cabinet d'affaires. Dans le fond de la pièce, un homme d'affaires écrit, ou plus souvent encore, se nettoie les ongles. Le premier commis, M. Mulford, se lève et dit à l'oreille de son patron « Mademoiselle Trevenock ». Deux jeunes filles d'une mise simple et élégante s'approchent du bureau. Le premier commis s'éloigne, mais tout en s'arrangeant néanmoins pour entendre la conversation. « Ah, c'est vous !» dit l'auteur de nos jours sans lever les yeux. Nous lui souhaitons le bonjour aussi affectueusement que les circonstances le permettent. « Comment va votre mère ?» Nous répondons qu'elle est souffrante d'une migraine ou d'une névralgie. Avez-vous des nouvelles de la famille ? Nous lui racontons ce qui peut l'intéresser dans la lettre de notre tante. Il paraît ne pas écouter, mais il entend. Une seconde pause. Puis je commence l'attaque. « Papa, dis-je avec douceur et bonne grâce, ne pourriez-vous pas me donner un peu d'argent ? Ma sœur et moi, nous avons besoin de chapeaux d'été. Maman a ces jours-ci à payer l'eau et le gaz. Deux ou trois souverains nous seraient aussi utiles qu'agréables. » Mon père lève alors les yeux pour la première fois. Il me demande brutalement si je m'imagine qu'il n'a qu'à se baisser pour ramasser de l'or, si je suppose qu'il ait trouvé la pierre philosophale. Je crois tout simplement qu'il doit gagner un peu d'argent. Les paroles continuent encore quelque temps à tomber de sa bouche, après quoi il nous donne enfin un souverain ou deux. Nous le remercions l'une et l'autre. Je m'approche de lui, je l'embrasse, tandis que Barbara reste immobile comme une statue. Je lui demande ensuite un peu de monnaie pour payer notre fiacre, comme si nous étions susceptibles de telles prodigalités. C'est simplement sous prétexte de lui tirer encore un peu plus d'argent. C'est alors que la moutarde commence à lui monter au nez. Il me reproche de vouloir le dépouiller de tout ce qu'il possède, de ses vêtements, de ses cheveux, de ses dents. Comme si j'avais besoin de ses cheveux, de ses dents. Malgré cela, il tire encore quelques monnaies de sa poche. Où l'argent sonne comme s'il en était plein. Il n'y a que les millionnaires pour mettre ainsi pêle-mêle l'or et l'argent. Je lui demande encore quelques pence pour acheter les gâteaux de notre goûter. Puis aussi quelques petites monnaies pour avoir du papier, des plumes, de la cire à cacheter. La dernière demande est la goutte qui fait déborder le vase et provoque la menace de me jeter par la fenêtre. Je n'insiste pas davantage et nous nous quittons en assez bons termes. Puis-je vous demander si vos visites sont fréquentes ? Si elles l'étaient, riposte Florence, nous roulerions sur l'or et l'argent. Nous les combinons seulement de façon que notre père paye nos chapeaux, l'eau et le gaz. Sa part de responsabilité et ses charges ne sont pas lourdes. Est-il indiscret de vous demander encore depuis combien d'années M. et Mme Trevenoch vivent séparés ? Vous pouvez me faire toutes les questions que bon vous semblera. Je suis la franchise même. Il n'y a jamais eu, que je sache, de scènes violentes entre nos parents. Mais mon père ne donnait jamais assez d'argent pour le ménage. Et pour les gages des domestiques, il y avait habituellement une saisie exécutoire à la maison. Mon père n'en continuait pas moins à aller à son club, à jouer, creusant ainsi l'abîme au lieu de le combler. Ma pauvre mère ne pouvait vivre de cette vie, et un jour, à bout de patience, elle quitta le toit conjugal avec nous, et après avoir écrit à son mari une lettre très digne. Une pauvre vieille amie de ma mère nous recueillit toutes les trois. Comme je vous l'ai déjà dit, nous étions encore tout enfants. Barbara avait des jambes comme des balustres. Il n'y a vraiment pas de quoi rougir ainsi, Barbara. Il faut bien, en vérité, avoir des jambes quelconques. Il n'y a pas de mal à dire qu'elles étaient comme des balustres. Depuis ce temps, ma mère ne nous a jamais quittés un instant. Ma mère seule nous a appris à lire, à écrire, à travailler. Nous ne saurions jamais assez reconnaître sa douceur et sa générosité. Voilà, capitaine, l'histoire de mon père, de ma mère et la nôtre. Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez. Dit le capitaine. Il n'y a pas de quoi, réellement. Certains sujets de conversation conviennent mieux que d'autres aux jours pluvieux, ajouta Florence. Je parle assez volontiers de mon père quand le ciel est triste, comme aujourd'hui. Voudriez-vous venir voir une exposition de tableaux ? Continua le capitaine, en quête d'un expédient pour se ménager un tête-à-tête avec Barbara. Non, cela entraîne toujours des frais de voiture, dit Florence. Il est beaucoup plus raisonnable de rester à la maison. Mais le capitaine préfère peut-être aller à son club. C'est à lui de décider ce qu'il veut faire. Il a la liberté de la parole tout autant que moi, bien entendu. Voici ma motion. Nous resterons tous ici et le capitaine va nous raconter la guerre des Sikhs. Vous devez en avoir par-dessus les oreilles, répondit le capitaine. Cela signifie-t-il au fond que vous désireriez aller à votre club ? Pas le moins du monde. Car le temps n'invite vraiment pas à aller au West End. Eh bien, alors capitaine, racontez-nous quelques terribles épisodes de la guerre des Sikhs. À moins toutefois que vous ne préfériez donner une leçon d'Hindoustani à Barbara. Si elle devient un jour gouvernante, ce sera pour elle un grand avantage de connaître cette langue. « Quant à moi, c'est ce que je préfère à toute chose, » répondit le capitaine. On alla donc chercher la grammaire et un petit vocabulaire de demandes et de réponses. La tête du professeur et celle de l'élève se rapprochent pour lire et rédiger quelques phrases, mais en résumé, le capitaine fait la plus grande partie du travail. Ils étaient comme des enfants et presque aussi naïfs. Florence seule voyait le dessous des cartes, et tandis qu'à l'autre bout de la table, elle faisait des dessins à la plume, voire peut-être même des caricatures sur le papier buvard qu'elle avait acheté avec l'argent que son père lui avait donné, elle se disait à elle-même, avec son air espiègle et fin, qu'elle frayait à sa sœur la route de la fortune. Quand le capitaine sera général et que Barbara demeurera dans une belle maison de Portman Square, elle aura quelques droits, sans doute, à une haute et magnifique récompense. L'après-midi de ce jour pluvieux lui semble, à dire vrai, plus long qu'à sa sœur et au capitaine. Elle n'en surmonte pas sans effort la monotonie et elle dissimule plus d'un bâillement, en portant à sa bouche la main qui tient la plume. Les roses s'effeuillent sous la pluie. Les toits et les clochers ne présentent à l'horizon que des taches noires sur fond gris. Sauf pour les amoureux, la journée est des plus tristes et maussades. Mais penchée sur la grammaire, absorbée par l'étude de l'Hindoustanie, peu leur importe la pluie. Ils ont en eux l'éternel soleil, le chant des oiseaux, le parfum des fleurs, la magique beauté d'un ciel serein. Quel est donc le pouvoir qui retient si captif ce héros intrépide? Celui qui n'aimait que la vie des camps, les fanfares guerrières, le cliquetis des armes et les courses au désert. L'amour a apprivoisé le lion. Un nouvel Hercule file au pied d'Omphale. J'aime à croire que maman va nous faire allumer du feu ce soir pour le thé, dit Florence en grelottant. Je suis gelée. Dire que nous sommes à la veille de juillet. Le thé, en effet, tint tout ce que Florence en espérait. Feu, gâteau et le reste. Puis on se réunit autour du piano pour faire de la musique. Enfin, on danse un peu et on cause bien davantage encore. La pluie avait cessé de tomber. Les deux sœurs profitent de l'embellie pour aller au jardin avec le capitaine. Les nuages, en s'écartant, laissent voir la lune dans sa mélancolique splendeur. « J'ai une chose à vous demander, » dit le capitaine en jetant sur la plate-bande son cigare allumé. « Ciel, » se dit Florence, « serait-il assez prosaïque pour faire en ma présence une déclaration à Barbara ?»« Je suis sûr que nous aurons demain un temps splendide, » dit le capitaine. « Si vous vouliez, nous irions à l'exposition de tableaux. Ensuite, nous nous promènerions un peu au parc et, enfin, nous finirions par le traditionnel dîner de Whitebaits à Greenwich. « Parfait !» s'écrie Florence. « Sauf la dernière partie du programme. À quoi bon gaspiller de l'argent pour un dîner de Whitebaits ? Je suis sûr que vous n'y tenez pas plus que nous. Nous pouvons bien aller à Greenwich, mais en revenant dîner ici, un gigot, une salade, pas davantage. « C'est en effet bien tentant, » dit le capitaine, dont les finances, malheureusement, ne sont pas au-dessus des considérations économiques. « Si vous et votre mère l'aimez autant... »« Non, pas autant, » dit Florence, « mais 1 million de fois plus. » Son opinion était toujours censée représenter celle de sa mère et de sa sœur. Il fut donc convenu qu'on irait à Londres le lendemain matin de bonne heure, qu'on prendrait le train pour Greenwich et qu'on reviendrait dîner à la Villa des Roses.